Ouais, il faut bien un coup de klaxon comme ça pour saluer cette rentrée, cette toute nouvelle saison de Cargo Cult. Et pour autant, aujourd'hui, notre album du jour, celui qui réunit finalement, c'est une croisée des chemins. C'est une croisée des chemins incroyable. Et c'est un des plus beaux mythes enfantés dans la galaxie techno. Allez, trêve de suspense, Drexia, leur premier album, Drexia The Quest, en 1997. Drexia, c'est plus un secret maintenant, même si ça reste en fait un énorme secret, parce qu'on a très peu d'informations sur le groupe, on a très peu d'informations sur le duo, parce que justement, tout ça a été extrêmement cryptique, et cette stratégie qui consiste à être avare d'informations, finalement, elle a aussi participé à fabriquer un mythe aussi grandement que la mythologie elle-même. Alors oui, lâchons-nous et puis parlons un petit peu de ces héros du jour. Drexia, c'est un duo, c'est un duo électro. Alors je dis électro avec ce mot un petit peu générique, fourre-tout, et que pas d'ailleurs le mot strictement préféré pour parler des musiques électroniques, mais enfin comme maintenant il semble faire loi, qui est finalement un peu le mot passe-partout. Pour définir un genre qui est bien plus grand que ça, encore. Mais au début, l'électro, c'est un genre assez précis dans la musique électronique, finalement. C'était early hip-hop, effectivement, qui est nourri des toutes premières machines assez bon marché, qui vont permettre aux ghettos, principalement, aux blacks des ghettos, et ça concerne Détroit, comme Miami, comme New York et les autres, de faire du early hip-hop largement nourri d'électronique japonaise. Et on sait très bien qu'à ce jeu-là, Détroit va être un élément ultra fort. Et Drexia va arriver dans cette galaxie-là avec un style bien particulier, bien à lui. On a coutume, évidemment, de parler de la techno de Détroit, et on a raison, sous un angle afro-futuriste. Elle est par essence afro-futuriste, la techno de Détroit. Mais autant insister et puis effectivement rappeler un petit peu ce que c'est que cet afro-futurisme. Ça se résume finalement en une série de stratégies black américaines qui consistent, afin de surmonter la classification raciale et la classification sociale autant, de se servir de la technologie et de toutes les mythologies sci-fi ou futuristes. Le tout recombiné aussi avec une culture ancestrale très forte et pour le peu issue effectivement de la mer africaine. Et cette propension afro-futuriste, elle date déjà. Elle a déjà une histoire, et une histoire fabuleuse. L'acte premier, c'est évidemment Sun Ra. Sun Ra qui clamait à tout va « Space is the place ». Est-ce que j'ai besoin de traduire ? Et de cette mythologie première, finalement, et puis qui va embrasser le jazz, alors certes, une des formes les plus exaltées du jazz, une forme free, mais aussi une forme très composée, quoi. Il faut se rappeler que Sun Ra et son orchestra, c'était un orchestre, quoi. Et une arche, le mot orchestral dit bien, hein. Mot valise, finalement, constitué des deux mots, et puis qui traduit assez bien cet aspect quasiment tribal d'un groupe et d'une expression afro-américaine qui va dépasser le stade juste de « je fais un groupe, je fais un disque ». Non, je fais une communauté. Et cette communauté, elle fait expression. Et l'expression afro-futuriste, quand bien même elle n'est pas nommée à ce moment-là, on est dans les années 60, elle va contaminer d'autres expressions. Un petit peu le jazz, Alice Coltrane, c'est quelqu'un qu'on a dépeint ici, évidemment. Et puis pas mal de bidouilleurs géniaux du jazz qui vont très vite comprendre que l'électronique avait quelque chose à apporter au genre. Mais finalement, ce n'est pas le jazz qui va vraiment promouvoir l'afrofuturisme. C'est des musiques peut-être plus dansantes et elles encore plus axées sur la technologie. Alors en tête, le funk. Et en tête, le funk de Parliament, funkadelic, de tout cet immense équipage P-Funk. Et alors, évidemment, il y en a d'autres qui suivent, mais à partir de là, ça devient gros, ça s'exprime, c'est scénique. Les étoiles brillent, les concept albums tombent à la clé, ils sont tous hilarants, mais en même temps participent très très très clairement à ces fameuses stratégies afro-américaines qui consistent à surmonter une classification raciale et sociale, c'est ce que je disais auparavant. Donc rien d'étonnant à ce que Détroit, la ville de la machine par excellence, la ville de la techno, faut-il le rappeler, porte cette cause-là. Elle ne la porte même pas, elle en est l'enfant, elle l'est comme ça. Elle ne peut pas être autrement. Et ça, ça va être montré dans la techno de Détroit, bah, dès sa jeunesse, dès son parrain tutélaire. Alors on va citer Juan Atkins, évidemment. Hein, c'est un peu le premier techno de Détroit. Je refais très rapidement l'histoire là, mais c'est toujours un plaisir de la réentendre. Et puis, bah, puisqu'on est dans les figures tutélaires qui vont aussi initier quelque chose, de manière d'ailleurs strictement volontaire ou pas, rappelons aussi l'existence de The Electrifying Mojo. C'était un disjockey, Electrifying Mojo. Ce disjockey à Détroit, qui avait eu la présence d'esprit de proposer et de mélanger sur les ondes des musiques funk puissantes, à l'image de P-Funk, Parliament Funkadelic, que j'évoquais là, mais aussi beaucoup d'autres, qui trouvaient place sur les ondes, en face de musiques d'importation strictement européenne et de musique électronique, comme Kraftwerk, ça on l'a souvent dit, mais pas seulement non plus des immenses stars comme Kraftwerk, mais aussi des débutants comme Depeche Mode et quelques autres, ou Human League. Donc, il faut savoir que la jeunesse de Détroit, celle qui va fabriquer la techno dans les années 90, elle est biberonnée par ça. Et Drexia, autant que les autres. Donc Drexia, ce duo, ce qui est fait par James Stinson et Gerald Donald, sont pas la première génération. Quand ils vont débuter, c'est des genoux, ils ont 20 ans. Alors que les figures de la techno, alors je pense à Derek May, à Ron Atkins, je viens de le nommer, c'est des gens qui ont... Ils ont 30 ans déjà. Alors certes, une décennie, ben, ça en fait pas des papilles non plus. Mais effectivement, ils sont entre guillemets un peu les aînés. Et l'histoire nous dit... Histoire ou légende, puis peu importe, hein, quand la légende est belle, elle est mieux que l'histoire, on sait bien. L'histoire ou la légende dit que c'est Derek May qui découvre ces deux petits gars, James Stinson et Gerald Donald, ils ont 22 ans, tout débute en 92. Et ils s'empressent d'en parler à Mad Mike. Mad Mike, c'est une autre figure extrêmement importante, effectivement, du berceau de Détroit. C'est le fondateur d'Underground Resistance. Un trio à la base, piloté par Mad Mike, mais enfin avec comme lieutenant direct Jeff Mills, et puis Robert Hood. Voilà, et chacun va exploser et porter lui-même sa propre dimension. Underground Resistance, c'est aussi un label qui fédère, et derrière lequel se trouve aussi une entité de, à la fois label et distribution, maison de distribution, qui s'appelle Submerge. Et donc le fondateur est aussi Mad Mike. Ou Mike Banks. Voilà, l'un étant le pseudo de l'autre, sans qu'on sache encore tout et tout sur ces choses-là. Et Mike tombe amoureux du groupe, de sa façon d'approcher la musique et de son concept. Car oui, Drexia, c'est un concept, et on va le dire tout de go, toute cette science afrofuturiste, toute cette mythologie inventée par les musiciens, tous les plus géniaux les uns que les autres, est en fait totalement sublimé, exalté et magnifié, en fait, par le concept de Drexia. Concept afrofuturiste pur et dur, mais qui ne va pas choisir de prendre les airs, qui ne va pas choisir l'espace. Space is the place, certes, mais aussi l'océan. Et c'est là que tout se passe. L'océan. Un coup d'œil sur la pochette de l'album The Quest. Et de façon liminaire, je vais rappeler que ce n'est pas strictement un album, c'est plutôt une compilation, en fait. La plupart des artistes de Détroit ont des maxi sur maxi, chacun étant une forme de petit concept disque, à lui tout seul, d'ailleurs. En grandissant, c'était roi de ça. Drexia sera excellent, là aussi. Mais finalement, l'album vient après. L'album étant, comme finalement c'était assez traditionnellement le cas à l'aube des années 60 ou avant, un recueil de titres déjà parus en 45 tours, et plus quelques d'autres pour compléter la galette. Finalement, la techno, elle reproduit ce même schéma. Et de facto, s'écarte totalement du schéma institué par le rock et la pop musique depuis pas mal de temps, qui fabriquait des albums, voire des concept albums. On en a beaucoup parlé ici dans Cargo Cult, c'est un petit peu le but de l'émission. Et du coup, extrait après de ça, ou au moins au moment de la sortie de l'album, un titre qui va un petit peu porter le reste, et puis des titres qui vont après décliner l'album lui-même déjà paru. Voilà, il y a une inversion de ces valeurs avec globalement la techno de Détroit, et c'est important d'avoir ça en ligne de tête. Parce que quand le disque sort en 1999, cet album The Quest, d'ailleurs sur Submerge Records, hein, donc l'entité dont je parlais, conçue par Mad Mike, à la fois un label, à la fois une maison de distribution, quand ça sort, la plupart des titres qui vont composer le disque existent par ailleurs. Voilà, ils existent de façon bigarrée, totalement éclatée. Hein, ils existent sur différents labels. Underground Resistance, alors là, oui, évidemment, parce que Mad Mike est le parrain, j'ai envie de dire. Mais aussi Reflex Records, Reflex, c'est le label anglais, pour le peu, qui est créé par Richard James, cofondé par Richard James, donc FX Twin. Warp Records, dont la légitimité et la célébrité au milieu des années 90 n'est même plus à démontrer. Et puis j'en oublie, il y aura Trésor, voilà. Et puis ainsi que le tout premier, le propre label monté par la bande, Shockwave, qui fait paraître le premier maxi en 1992. Et tout ça va sortir sur des formats différents, tant et si bien que l'album, qui est un double album CD, il est énorme, il est très long. Et autant que je le dise tout de suite, on ne va pas du coup le jouer en entier. On va faire une grave entorse au baseline, au mot de Cargo Cult qui dit un album, une écoute, une longue explication. Ben non, je vais un petit peu l'amputer, cet album. C'est pas bien. Alors c'est pas bien, mais comme en fait, il y a quand même des versions qui diffèrent, il y a la version officielle, effectivement, un double CD. Et il est conséquent, il y a plus d'une heure par face, quoi. Le disque fait 2h15. Fabuleux. Mais il y a aussi deux doubles maxi, avec un track listing finalement un tantinet différent. Et puis des inédits, si vous voulez, des outtakes de différents morceaux qui ne sont pas forcément les mêmes d'une version à l'autre. Pour autant, le concept, le storytelling de The Quest reste le même, et il est fondamental, c'est de lui dont je vais parler maintenant, et c'est lui qui finalement va clarifier ce que le groupe a distillé comme information plus ou moins cryptique, à coups de macarons ou bien de gravures sur le vinyle. Vous savez, ces petits fonds de matrice où il y a des informations gravées d'ordre technique en général, bah mine de rien, les petits gars de Détroit se sont rendus compte qu'on pouvait aussi tout à fait écrire quelques mots, pas des grandes phrases, hein, mais quelques petites informations comme ça qui pouvaient aiguiller l'auditeur et surtout le DJ très très curieux qui prenait le temps de lire les pochettes. Parce que oui, quand bien même ça sortait en maxi, tous ces trucs-là, et a priori pas de pochette, juste un macaron, en fait, pour qui savait les lire, l'information était vitale. Et l'information qu'elle nous donne de fait, Draxia, ben c'est celle qui va imposer et décliner toute sa mythologie sur une dizaine d'années durant et plusieurs albums. À savoir que les Drexian sont en fait les enfants des femmes enceintes noires issues de l'esclavage. Issues, ça veut dire qu'elles ont été enlevées d'Afrique. Elles sont jetées, parquées, maltraitées sur le bateau négrier. Et comme ces femmes s'avèrent totalement improductives, on les jette par-dessus bord. Elles sont évidemment condamnées à mourir. Mais leurs progénitures, qui sont encore dans leur ventre, encore noyées dans un placenta humain et donc baignant dans un élément liquide, vont finalement, par une magie à laquelle on ne demande qu'à adhérer et qui est toute logique, elles vont par magie quitter cet élément liquide pour rencontrer un autre élément liquide, le grand élément liquide, l'océan. Et ainsi, au cœur de ça, une race d'Atlantes noires va se développer, et non seulement elle va se développer, mais elle va créer une vie, une société sous-marine hyper technologique. C'est absolument génial. The Quest va enfin donné les clés et l'explication de ce que subodorait le duo depuis leur début. La pochette nous montre justement une map monde. Mais cette map monde, avec les contours des continents relativement floutés, nous fait finalement assez vite comprendre qu'il ne s'agit pas de représenter justement les continents, mais de représenter le reste, représenter l'océan. On comprend de facto d'ailleurs que notre planète, c'est beaucoup plus de l'océan que du continent et de la terre ferme. Et puis, en retournant le disque, les choses se précisent. Il y a cette image qui deviendra le logo de Draxia, qui est celle d'un Atlante assaillant, un combattant avec le trident à la main. On devine que son corps s'est adapté aux difficultés de l'océan, les pieds sont palmés, il a comme une espèce de branchie autour du visage. C'est un espèce de guerrier magnifique, hein, tel un Nubien qui plongerait dans les eaux avec son trident, comme voilà, un Africain Nubien lui porterait la lance. Quoi. L'essence du groupe, elle est courte, beaucoup trop courte. En 2002, James Stinson meurt. Et Draxia, c'est fondamentalement son concept. Gerald Donald, lui, est à la tête d'un autre concept, très savoureux aussi, qui s'appelle Doppler Effect. Donc, ensemble ou séparément, c'est deux bonhommes qui sont finalement, on peut le répéter et insister, des vrais petits prodiges de la techno de Détroit. Je rappelle que Mad Mike et Derek May sont en extase à 30 ans devant ces gamins de 22 ans. Quoi. Ils ont clairement un truc qu'eux n'ont pas. Une musicalité, et puis un sens de la narration, et peut-être cette faculté de à la fois créer une post-techno et une pré-techno dans la même musique. Doppler Effect, par exemple, c'était un groupe qui était ciblé, donc mené par Gerald Donald, qui citait très très clairement Kraftwerk, mais qui avait plongé Kraftwerk dans une bande-son de série B d'un film porno des années 80. C'était un Kraftwerk hyper sexualisé, très très sensuel, avec des compositions super groovy et des textes extrêmement drôles. C'est un groupe absolument fabuleux. Évidemment, Draxia, alors encore plus, surtout avec cette mythologie dont je parle maintenant. Mais il y a un paradoxe qu'on vient de dire, c'est qu'en fait, personne, les DJ jouaient pas ça. Les DJ écoutaient ça chez eux, ils les jouaient pas en soirée. Alors, ce n'était pas une rétention d'informations. Vous allez très, très vite comprendre que si les titres de Draxia sont volontiers techno, et peuvent même être parfois très emportés, ce n'est pas une musique qui convient au dance floor. Ben pourquoi ? Parce qu'elle est beaucoup trop subtile pour être sur les dance floor. Parce que finalement, le tempo n'est pas strictement marqué d'un 4-4 martelé avec un pied à la noire tous les 4 temps, etc. etc. On fait rentrer un charlet au sixième temps, et pas juste 4-4-4. Il y a plein de petites subtilités comme ça, quitte à ce que d'ailleurs, des fois, ça se prenne les pieds dans le tapis, qui font que c'est pas super normé, c'est pas le paradigme du dance floor comme on l'attend dans les années 90, et comme Détroit le fait extrêmement bien par ailleurs. Je rappelle, de grande résistance, mais je pourrais en rappeler d'autres. Hein, ça faisait feu, ça faisait foi, et là aussi c'était porteur d'un concept fort. Mais ça échappait probablement à cette subtilité finalement toute fine et peut-être même pas sciemment préméditée par le duo James Stinson et Gerald Donald, donc Draxia. Il y a quelque chose d'assez magique, et là je serais convaincu que c'est un petit peu comme ces universaux qui vont se retrouver d'une civilisation à l'autre, mais sans que forcément il y ait eu une grande interpénétration, quelque chose d'assez magique, à ce que l'arrivée de Draxia sur la scène en 1992 corresponde au moment où le mot afrofuturisme va être pour la première fois écrit dans un article. C'est un article qui fait date, hein, c'est un journaliste anglais qui s'appelle Mark Derry, qui avait écrit en l'an 1992 cet article, c'est long, dans The Wire, me semble-t-il, « Black to the future ». Voilà, tout est dit, hein, ça ne se traduit pas. Au même moment, et ça se passe aussi du côté de l'Angleterre, un académique anglais, c'est un historien en fait, mais d'origine afro-caribéenne, qui s'appelle Paul Gilroy, et qui écrit une thèse très sérieuse, mais tellement sérieuse d'ailleurs qu'elle va être moquée par ses pairs à ce moment-là, mais on est en 1993, et cette thèse s'appelle « Black Atlantic ». l'Atlantique noir. Et Paul Gilroy, qu'est-ce qu'il dit en substance dans cette thèse ? Il part du principe que la conscience afro-américaine n'est ni africaine, parce qu'elle ne l'est plus, elle a quitté l'Afrique, et elle n'est pas américaine, parce qu'elle n'y est jamais arrivée. Elle n'y est jamais arrivée dans le sens où socialement, effectivement, la plupart des Afro-Américains n'ont jamais pu s'exprimer. Il dit ça en 1993. Aujourd'hui, on est toujours dans le Black Lives Matter. Ça dit quelque chose. Et c'est probablement toujours vrai. Donc cette conscience afro-américaine, elle est ni à droite, ni à gauche, ni en Afrique, ni aux États-Unis. Elle est où ? Elle est donc au milieu. Elle est dans les cales des navires négriers. Et d'où cette propension dans la culture noire américaine, et ça touche beaucoup la musique, mais pas seulement, a énormément prophétisé autour du thème de la translation, du déplacement. Le chariot biblique qu'on va retrouver dans les expressions gospel, mais dès la fin du 19e siècle. Le train qui va avoir une importance fondamentale, parce que le train, ça va être aussi la promesse, et pour le peu, déjà une forme d'afrofuturisme, ça va être la promesse de libération pour les esclaves du Sud de pouvoir monter et s'émanciper au Nord. Et puis, bien sûr, la même chose pour les motherships, pour les spaceships, etc., etc., etc. C'est en 93 que sort cet Atlantique noir, ce Black Atlantic de Paul Gilroy. Donc, Paul Gilroy n'a probablement pas eu connaissance de ces disques qui se fabriquaient vraiment quasiment sous le manteau. Il n'y avait pas encore de distribution en 92, ou si peu, si vous voulez, du premier Drexia. Et Drexia n'avait probablement pas entendu du fond de Détroit les cours très, très académiques, finalement, de Paul Gilroy. Paul Gilroy est devenu quelqu'un de très important. Et attention, c'est aujourd'hui quelqu'un dont on ne se moque plus, effectivement, qui a porté la lutte raciale dans des sommets académiques. Mais en 93, on se moque de lui, quoi. Donc, voilà. Et tout comme en 93, on se moque globalement de la techno, quoi. Mais oui, on va le rappeler, quand même. Hein. Ça a changé, on est d'accord. Mais ça s'est fait lentement et sûrement, et probablement à temps. Alors, allons-y sur ce disque. Et justement, mis dans le contexte dont je parle là. L'intérêt de cette compile, c'est qu'elle va effectivement permettre de trouver un public plus large, hein, qui n'était pas facile à choper avant. Et puis, mettre clairement les titres en avant. Faut les dire, parce que rien que la phonie des titres dit des choses, quoi. Le Deep Sea Dweller, l'invasion aquatique, Aquatic Invasion, Aquaban, parce qu'effectivement, Aquaban, on pense à l'Autobahn de Kraftwerk. Pensez bien que c'est pas un hasard. Voilà, l'Aquazone, Bubble Metropolis, etc., etc., etc. Tous ces disques avaient été répartis entre Warp et Reflex en Angleterre, en de grande distance à Détroit, vont donc converger ensemble. Et puis faire entendre tout ce florilège qui est finalement à la fois une électro old school, hein, c'est principalement dans les rythmes, la 808 très en avant, la TR-808 bien sûr, instrument de Roland, on l'a un peu nommé dans cette émission. Une influence technopop presque évidente, et à mon avis peut-être plus évidente, une espèce de symbiose parfaite entre justement cette technopop d'obédience européenne et puis cette électro old school nourrie de funk made in Detroit. En un sens, Drexia réussit parfaitement ce que Electrifying Mojo professait sur les ondes de la radio quelques années auparavant. Si on va entendre là-dedans aussi, parce qu'il en faut, et parce que ma foi, ils savent très bien le faire, des lignes de basse acides, enlevées, parfois stridentes, on va vite comprendre que c'est pas la vraie marque de fabrique de Drexia. Ils sont absolument fantastiques dans des mélodies, quasiment des ritournelles, hein, mais qui vont en même temps caresser une étrangeté encore insondable aujourd'hui. Donc c'est très groovy, c'est peut être nerveux, mais c'est aussi ultra deep, on le serait à moins, on parle des profondeurs de l'océan, et aussi ultra sombre. Il y a un chaud-froid permanent hein, chez Drexia. Et Drexia va vraiment inventer sa propre musique. On peut pas imiter Drexia. Alors, si vous le faites, vous êtes ultra ringard. C'est pas possible d'imiter Drexia. C'est pas possible de copier Drexia. On peut s'inspirer du mythe et puis du coup en faire une traduction. Et puis c'est petit à petit ce qui commence à se passer. Mais ils inventent quand même leur propre genre. Et ça, ça vaut le coup d'être signalé. Drexia, il faut le dire, c'est des staccanovistes de dingue. Le groupe va exister 10 ans. Mais exister 10 ans, c'est très peu. Et pourquoi ? Parce que James Stinson va mourir très jeune. Il va mourir en 2002. Enfin, donc 10 ans après, en 2002, de complications cardiaques. Quoi. C'est tellement... Enfin bref, c'est beaucoup trop tôt. Et entre-temps, il y a énormément de productions qui ont été laissées. Alors y compris, et j'en viendrai dans la deuxième partie de ce programme, y compris dans des alias qui sont des side projects de Drexia, mais qui en fait ont leur importance. Et qui finalement aident à éclairer le projet initial. Je vais revenir, avant qu'on écoute strictement l'album, et j'en fais une sélection, je vous l'ai dit, sur un peu plus de 70 minutes, enfin, on sera un bon moment avec les gars, je vous le promets. Il y a au fur et à mesure des disques, et dès le premier, il a une importance considérable, une forme de cartographie de l'ensemble et des repères qui vont constituer la mythologie de Drexia. Voilà, on sait que maintenant, les Drexianes, effectivement, c'est les habitants de Drexia, c'est cette ville de subaquatique, ultra technologique. On apprendra qu'il y en aura d'autres, d'ailleurs, finalement. Hein. Et on va parler de Bubble Metropolis, de Danger Bay, de Vampire Island. Voilà. C'est assez délicieux parce que ça se lit comme un cartoon. Et d'ailleurs, l'histoire deviendra un cartoon. J'en parlerai après. Ça se lit comme un cartoon, mais avec une dimension comme ça, un peu politique, assez forte. Et évidemment, je l'ai nommé tout à l'heure, mais il y a un clin d'œil absolument évident à un disque qu'on a dépeint dans les colonnes de Cargo Cult et sur lequel il faut revenir là. C'est l'album de Parliament Funkadelic, hein, George Clinton et ses sbires, l'album Motor Booty Affair de 1979 et qui, lui, justement, instaure clairement une mythologie subaquatique et qui est le starter de la pensée de Drexia. Alors chez George Clinton, il y avait quelque chose d'extrêmement déconnant finalement, et génial bien sûr, mais on n'est pas dans la déconnade avec Drexia. Tout comme on n'est pas dans la déconnade avec Sun Ra, et encore moins dans la déconnade avec Underground Resistance. Non, on est dans l'auto-fabrication d'une mythologie, dans un truc, de toute façon, en disant, mais pour le faire, il faut y croire. Et du coup, la mythologie est portée tellement haute qu'elle va bien au-delà de la question afro-américaine. Finalement, tous les underdogs du monde peuvent se retrouver dans ce que dépeint Drexia. Pour joindre son propos, il y a des cartes qui sont ajoutées dans le... Il y a quatre cartes, en fait, qui représentent l'océan Atlantique et qui résument, finalement, ce propos-là. La première carte, c'est celle de la traite des esclaves, et elle est datée, 1655-1867. Et évidemment, par un schéma qu'il n'est même pas la peine de traduire ici, on voit toute cette diaspora forcée du peuple africain qu'on embarque dans les cales négrières des bateaux vers les États-Unis. La deuxième carte, elle, va nous montrer les routes de la migration des Noirs ruraux du Sud vers les villes du Nord. Et ça, c'est donc un axe sud-nord qui commence dans les années 30. Et évidemment, ce n'est pas tout à fait un hasard si l'une des pointes de ce nord est un des lieux qui va être finalement le plus courtisé et attrapé par la communauté noire fraîchement libérée. Alors, libérée avec des guillemets, hein, je crois qu'il faut insister sur ça. Bah, ce sera une ville comme Détroit. Hein. Détroit, Chicago, entre autres. Quoi. La troisième carte... Bah, c'est l'Amérique où la technologie quitte Détroit, le centre, Détroit même, et s'étend dans le monde entier. Carte de 1988. Nous y sommes. La techno, effectivement, va devenir une culture globale. Elle va s'étendre dans le monde entier, il ne s'agit pas de l'envahir. Et bien sûr, elle sera dûment actée par des pigeons voyageurs millénaristes que sont finalement les DJ de cette génération-là. Quatrième carte, Nous n'y sommes pas. C'est toujours l'océan Atlantique et c'est le journey home, c'est-à-dire c'est le retour. C'est le retour soit à la mère patrie, l'Afrique, soit le retour vers une autre mère patrie qui, elle, peut être une étoile, qui, elle, peut être l'espace. Et donc, ainsi, l'océan rejoindra la mythologie première de Space is a Place de Sun Ra. Voilà. Je reste totalement sublimé par finalement ces partis pris-là. The Unknown Writer. Déjà, voilà, l'auteur sans nom, l'auteur inconnu. On ne signe pas dans la techno. On envoie le message, mais on ne signe pas. On est dans l'activisme, si vous voulez. Et dans la note de pochette, on nous dit en substance que des expériences toutes récentes ont montré que les souris étaient capables de respirer de l'oxygène liquide. Plus concluant encore, un nourrisson humain prématuré est sauvé d'une mort évidente en respirant justement ce même oxygène liquide, et ça là, à travers des poumons qui ne sont pas encore développés, qui ne sont pas encore formés, et qui ne sont surtout pas encore ouverts à l'air libre. Donc ces faits qui sont combinés aux observations signalées d'hommes branchis, ça, il nous parlait de ces hommes branchis inspirés du monstre des marais qu'on a pu voir dans les côtes du sud-est des États-Unis, sous Miami, tout ça, mis bout à bout, rend la théorie que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de cette civilisation née de la traite négrière jetée par-dessus les bateaux, devient étonnamment et prophétiquement réalisable. C'est incroyable, mais... Thank you. Bang bang chick chick. may exist. God is virtual reality. Does God really exist? God is virtual reality. This is Drexian Cruiser Control, Bubble 1, to Lardozian Cruiser 8-203X. Please decrease your speed to 1.788.4 kilobytes.

Dead Man Reef, le récif de l'homme mort. Voilà, au cœur de cet océan de Drexia, cette techno abyssale qu'on découvrait aujourd'hui, cet album The Quest. Alors, c'est le début de la quête. Parce que d'autres albums vont suivre. Puis là, je répète, et puis alors pour le peu, c'est vraiment une entorse à la loi de cette émission, c'est qu'on a écouté une partie, puis mis 70 minutes du disque, et il en fait plus de 2 heures. Donc libre à vous hein, de poursuivre, je vous intime même de poursuivre, et justement voir comment le mythe va évoluer dans son concept, dans ses allégories, et aussi bien dans sa musique. Il y a 4 albums, en fait, de Drexia, il y a celui-ci, c'est une compile, mais enfin, on peut l'appeler un album. Et va suivre 2 ans après Harness the Storm. Et en 2002, les 2 derniers albums de Drexia, qui sont Gravaphore, et j'en oublie en fait, qui est juste avant, qui est... Bah, non, Harness the Storm, je viens de le nommer. Ouais, et c'est Neptune Lairs, qui lui est en 99, excusez le petit lapsus, et qui lui paraîtra sur Trésor, si je ne m'abuse. Donc il y a toujours cette idée, un petit peu, de ce que... James Stinson appelait ses wave jumping, des sauts de vagues, quoi, comme un surfeur. Et finalement, voilà, il sautillait d'un label à l'autre, mais aussi d'une géographie à l'autre. C'était très intéressant de réécouter quasi in extenso, comme ça, The Quest, qui montre vraiment un petit peu le duo dans toute sa galerie d'expression. Et Gerald Donald et James Stinson sont quelque part à 50-50 dans l'écriture de Drexia sur la période The Quest. Et il semble assez évident, quand bien même on manque toujours d'informations sur les personnes, ils n'ont jamais donné d'interview, que James Stinson va prendre davantage les manettes sur la fin du projet Drexia. Pas par autorité naturelle d'ailleurs. Hein. Gerald Donald, lui, sera un petit peu plus impliqué avec le projet Doppler Effect, et qui est un miroir en fait de Drexia d'une certaine manière, mais avec un contexte et un concept surtout totalement différent. Si on veut jouer d'ailleurs au jeu de cache-cache et du chat et à la souris, les alias et les expériences plus ou moins déguisées de l'un et l'autre soit un plaisir à suivre. Il y a plusieurs alias comme ça qui vont succéder. Il y en a un que je dois quand même nommer parce que c'est Electroids et qui est pour le peu pas un si bon disque que ça, qui va apparaître sur Warp au milieu des années 90. Et en fait, Electroids, on le sait maintenant, on le sait pas à 100%, mais enfin on le sait à 95%, ce qui est quand même pas mal, on est proche de la quasi-certitude, que c'est le projet qui va mettre Drexia, donc le bien sûr duo du jour, mais avec leur parrain tutélaire, qui est Mad Mike. Et évidemment, hein, pour clore un petit peu et pour compléter un peu l'écoute, je recommande d'y aller. Et pourtant c'est pas le top du top. Non, le top du top, je pense qu'il va arriver après, parce que les albums qui vont suivre, spécialement les 2 derniers, sont incroyablement beaux. Et en fait, la fin de carrière de James Stinson est plus que belle. Elle mérite tous les hommages du monde, bien au-delà du respect et probablement les larmes qui vont avec. Parce que, en fait, James Stinson meurt à 32 ans, c'est très tôt, et il se sait malade. James Stinson va multiplier les... En fait, il va être un staccanoviste électro absolument incroyable. Donc il va multiplier les publications Drexia, mais aussi d'autres concepts et qui renvoient une facette un tantinet différente et qui en même temps complètent le mythe. Il y a 4 albums qui vont paraître l'année de la mort de James. C'est absolument dingue. Donc il y a les 2 Drexia. Il y a un one-off The Other People Place, et ça sort sur Warp. C'est un album absolument délicieux, c'est vraiment devenu un classique de la techno ambiante, parce que c'est un album plutôt deep, très posé, extrêmement réfléchi, vraiment formellement beau, quoi, avec des mélodies à tomber. C'est un album, The Other People Place, dont Zee Hacker, musicien grenoblois bien connu maintenant, dira que c'est pour lui le meilleur album de tous les temps. Voilà. Bon, Zee Hacker était un grand zélateur de Drexia et consorts. Hein, donc, et voilà. Et je ne vais pas lui donner tort s'il dit que c'est le plus grand album de tous les temps. Bon, il y en a d'autres, des grands albums de tous les temps, mais franchement, celui-là est formidable. Voilà, c'est sorti sur Warp, titre de l'album Lifestyle of the Laptop Café. Le titre est totalement délicieux, quoi. Et pour le peu, c'est un album dans le présent, quoi. Le titre le dit assez bien. Reflex, un label cousin. Il y a déjà eu des parutions sur ce Reflex, hein, notamment des titres qu'on a entendus dans la compilation The Quest. Il y a un EP sur ce Reflex. C'est peut-être un des plus teigneux, justement. Sachant bon, le teigneux chez Drexia, ça reste d'une subtilité étrange et sibylline qui échappe justement à tout vrai teigneux. Et ce sera le concept Translusion. Translusion. Avec un album qui s'appelle Life, L-I-F-E. Life écrit comme un acronyme. Et en fait, c'est un acronyme, et c'est James Tinson lui-même qui le signe. C'est écrit sur le macaron, Message to the World. Life is fast ending. Life is fast ending. C'est fort. À partir de là, et à partir de 2002, c'est l'année où James va mourir, Drexia va non seulement continuer à briller, mais briller encore plus. Et c'est ça qui fait de cette mythologie-là une réussite qui, à mon avis, dépasse les autres. C'est-à-dire que j'ai bien sûr évoqué cette influence politique qu'aura Drexia. Et vous savez, on va vraiment la voir, au point que Drexia va être citée dans un programme politique d'une candidate à la mairie de Détroit, qui était candidate dans les années 2000, c'est Ingrid Lafleur. Et Lafleur, c'est une femme artiste, qui travaille notamment avec le textile et la sculpture. Elle s'est présentée à la mairie de Détroit avec un programme afro-futuriste. Bon, elle n'a pas été élue. Mais ça ne fait rien. Elle a fait une politique, elle a mené une politique, notamment de gratuité, de cours de coding pour les enfants du ghetto. Si ce n'est pas une proposition de loi, ça. Et bien sûr, ça croise totalement Drexia. On est à fond dans le truc. Le cinéma s'est emparé du mythe. Alors, il y a deux courts-métrages qui s'appellent Drexia et qui parlent du mythe. Il y a un film de Kodo Ishun, c'est l'essayiste un petit peu numéro un, hein, sur la question afro-futuriste, finalement, qui a fait aussi un film où Drexia est en constant filigrane. Mais allons tout près. J'irais de la culture pop et puis du blockbuster qui ne voudra peut-être pas échapper, il n'y a pas si longtemps, était sorti, estampillé Marvel, et bien sûr totalement hollywoodien, le film Black Panthers. Et Black Panthers, finalement, traduisait de manière plutôt juste, en fait, et sans être vraiment grotesque, même s'il s'agissait de faire du grand film spectaculaire, il était un blockbuster. Quelques-unes des aspirations fortes et du background imaginaire afro-futuriste. Voilà. Bon, bah, tout ça, je dirais, c'est un petit peu sans fin. Et j'insiste sur cette influence qui va au-delà. Alors, le comics, MBD spécialement fait par Abdulkaïm Haq. Haq, c'est l'iconographe un petit peu numéro un de la techno, hein, parce que c'est lui, les macarons de Underground Resistance, celui du label Transmat de Derek May avant ça, et puis finalement une pâle lanquée d'autres sont passés dans ses mains. Donc c'est à la fois le biographe de la techno et son iconographe majeur. Donc, son comics, finalement, spécialement dédié à Drexia, est absolument savoureux. Celui-là explique finalement très très clairement cette image d'un transatlantique, cette conscience noire qui naît dans les cales négrières, des gosses qui sont jetés, en tout cas des mères enceintes qui sont jetées par-dessus le bateau, et donc finalement les progénitures vont trouver moyen de survivre, et non seulement survivre, mais développer société subaquatique. Voilà, c'est ainsi que finit le thème, c'est ainsi que commence en tout cas les thèmes de l'affaire Drexia. Et hypothétiquement, elle finit dans l'espace. Et encore d'une manière super belle, parce que le Grava 4, le dernier album de Drexia, c'est en fait le nom d'une étoile. Et c'est le nom d'une étoile que le groupe a achetée. Oui, on peut acheter une étoile aux États-Unis. Et si on l'achète, on lui donne le nom qu'on veut. C'était une des dernières grandes actions de James Tinson et Gerald Donald, ils sont les deux ensemble. Voilà, c'était d'acheter cette étoile. C'est magnifique. Message to the world, life is fast ending.